qui sait, Gabi One, OCPN, RATA, 91, Signe Sensi, Long Beach, Fiat, 91, 91, violence, on gagne la Coupe d'Europe. Mon rap aurait préféré que je finisse dans un groupe de rock. On tisse, on fume la matière grise. Tellement half-lit, pas besoin de perquise pour que ma matière grise. Je lève mon verre à ta guise, je te kiss comme j'attaquise. Je t'en fais voir toutes les couleurs comme Medikis. Bâtard Sarko, t'inquiète pas, va rôtir. Nous on fait du rap et pas du Pavarotti. J'écris au carbone, tisse la vodka pomme. Je veux marquer mon temps comme Al Capone. C'est les Raos, c'est les légions urbaines. On mange des urbaines, je baisse la France comme une pile cubaine. Cagoulé, paire de gants, je laisse pas crash ou gandé. Je suis dans l'impasse comme Carlito Brigandé. Qui sert en mode voyou comme le Wu-Tang. Car la vie c'est pas trip comme le Space Mountain. On a pris le seum à force, squatter la table. Au fond, on a la salle et le seum, on rate la faille. Allez, on fait les failles, les cuns, tout le monde va drive. Ils veulent nous tester, tiens qu'à essayer. Ils sont bons qu'à brailler, à bégayer. On a pris le seum à force, squatter la table. Au gros on a la salle et le seum, on rappe la faille. Aïe, on fait les bails, les cums, tout le monde va drive. Ils veulent nous tester, tiens qu'à essayer. Ils sont bons qu'à brailler, à bégayer. Défroncé, maudit soit la pute, Camille Sarko au monde. Pélec en fleur si tu l'ouvres, défiloche par la Joconde. J'fume le but à qui compte, avec la but à King Kong. Sniper comme un Vietcong, pour les femmes c'est du ping-pong. C'est Gabi One chez Fixer, dédicace à Kizer. Spliff d'air, Bruxer, pour les frères de la street air. La vie est difficile pour moi, toujours plus de crasse. OCB reste efficace, demande à FK plus de classe. Chante Denzel en Russie, le truc à Rio. Le souk en Espagne et la coupole à Bamako. On sort l'opinion et puis n'a pas besoin de mon opinion. T'auras mille raisons de pleurer, j'assure que ça sera pas les oignons. J'mette les points sur les i, les barres sur les t, les trémas sur le e et puis ma bite dans ta chatte. Gabi One qui sert, RATH, allume ton spliff de H, ensuite on s'arrache. On a pris le seum à force, squatter la table. Au gros on a la salle et le seum, on rappe la faille. Allez, on fait les bails, les cums, tout le monde va drive. Ils veulent nous tester, tiens qu'à essayer. Ils sont bons qu'à brailler, à bégayer. On a pris le seum à force, squatter la table. Au gros on a la salle et le seum, on rappe la faille. Allez, on fait les bails, les cums, tout le monde va drive. Ils veulent nous tester, tiens qu'à essayer. Ils sont bons qu'à brailler, à bégayer. Ça c'est mon hymne à la choix. Là où on parle Robe Wall of Fooling Gala. Où on sort nos beats à la loi, loin des Chevy, des Impala. Si AME c'est nuit de gala, j'arracherai tout même sur un beat à la noix. Si on rentre dans le biz, voilà. Personne va nous arrêter, y'a que le haram à regretter. Je rêve pas d'une vie de palace. On fera pas les titres gala. Rate, mais c'est qui ce gala? C'est le gardien qu'à la rue en guise d'alarme. Les tours de ma ville, ça fait la petite Dallas. Pas de ceux qui disent ralas. Pour les mecs typés comme la pipe Galas. C'est pas des disques jamasse. Y'a que les haïnes la jaloux. Si je tiens le micro comme une calache, on l'aurait dit le Hamas. C'est pour les arabes, les pires ganaches. Les petits du bled qui se caillassent. Aïe, si jette mes rimes, ramasse, ramasse. On a pris le seum à force, squatter la table. Au gros, on a la dalle et le seum, on rappe la faille. Aïe, on fait les bails, les cums, tout le monde va drive. Ils veulent nous tester, tiens qu'à essayer. Ils sont bons qu'à brailler, à bégayer. On a pris le seum à force, squatter la table. Au gros, on a la dalle et le seum, on rappe la faille. Aïe, on fait les bails, les cums, tout le monde va drive. Ils veulent nous tester, tiens qu'à essayer. Ils sont bons qu'à brailler, à bégayer. MDB Prod. Ouais, ok. Hein, c'est du haut. Qui sert? Spike fait du vert. Ha, capital ça. OCB 2007. Bah. Et yo, claque-toi en plein rock cabendo. Tu fais ton stock comme un, mais plus c'est grand et plus ça tombe de haut. Oh, index, c'est pas n'importe. Derrière le beau sourire, toujours une idée, la banane coco. Sur ton œil un cocard spectaculaire. J'ai vu claquer ton RMI sur le boulevard circulaire. M'en bats, t'aimes pas les choses simples. Tu sors du poste, la goutte d'or noyée dans une bouteille d'absinthe. Ah, tu fabules, des rappeurs qui braquent mais qui ne tapent que de ton à l'huile. Tu vas payer caché plein pot de tomber en cloque d'un multirécidivis, pas de peau. Accro, pulsion frénétique. Croise une ex-balle atomique et casse squelettique. Je t'invite à balancer ton seum. Car c'est soit tu craches ton venin, soit tu fermes ta grande gueule. Banane 9, I need game. Sans ma veste, sans pas mes scapiplets. C'est du scélérat, tu dis oh, c'est du OP. On pète le beat en deux, même sans être dopé. Connex, banane 9, I need game. Sans ma veste, sans pas mes J'ai pas dosé, dans mes poches c'est trop sec. Écoute ce son, ma vision derrière mes lunettes 4 saisons. Je la refais à l'envers comme Kaiser Sosé. Extrait d'amertume, demande à CGO. On est tous accro à la thune et foncé de nature. Dans ma zone c'est l'Amazon, Marianne c'est ma sauce. J'suis venu gifler le rap avec des mains de maçon. Mes faits divers frère, on est trop fiers, atrophiés pour le trophée. Dans les RER, écrit fort que la ferroviaire. Mes acolytes, tous des alcooliques. T'as connu mon son même sous une cagoule. Dans ma tête c'est Kaboul. Gare à ta puce, car les balances te catapultent. Fais pas ta pute, ton rap pu. Kizer et Spike, Sidi Omar, 9 Impana. Dis au maire, Koulinix sa mère. Connex, Paname 9, Anit Game. Sans ma veste, Cobra, Mescar, Biblet. C'est du scélérat, Sidi O, c'est du OP. On pète le beat en deux, même sans être dopé. Connex, Paname 9, Anit Game. Sans ma veste, Cobra, Mescar, Biblet. C'est du scélérat, Sidi O, c'est du OP. On pète le beat en deux, même sans être dopé. Lyricalement, repère papy. Comme qui sert, ça se passe piste par piste. Ça se rentre dedans comme au ski. Pendant que moi je fais du hors-piste. Trop d'impasses, peu de mecs pisse. En fait, on marche sur des œufs en évitant les flaques de pisse. J'ai compris qu'il fallait être personnel, donc fuck les passes. Nous on aime le rap, donc on fait pas de zèle. Malheureux sont ceux qui s'en foutent plein de zèle. En 2007, il faut trop de fric pour qu'à la baraque ça dame. Car nos vies ne tiennent qu'à un fil, demande à sa dame. J'ai rêvé d'une belle vie et je me suis fait sodome, sa mère. C'est SPYK, écoute. Et larguer les amas. La shit à nos petits sous ce qui passe. Des space sky cognac. J'suis déçu. Car chez moi, ça pense qu'à se cogner. Connex, Paname 9, Anit Game. Sans ma veste, Cobra, Mescar, Biblet. C'est du scélérat, Didier O, c'est du OP. On pète le beat en deux, même sans être dopé. Connex, Paname 9, Anit Game. Sans ma veste, Cobra, Mescar, Biblet. C'est du scélérat, Didier O, c'est du OP. On pète le beat en deux, même sans être dopé.